ACR, atelier de création radiophonique. Le principe écriture. Armand Gatti. Les arches de Noé. Deuxième temps, les lexiques. Par Hélène Châtelain. Sabine Audouin, Julien Bassouls, Miguel Canon, Thierry Cazel, Renaud Cousin de Montvézin, Béatrice Dominguez, Françoise Guepfer, Lisiane Laboué, Hélène Lafitte, Claude Ménadi, Jean-Serge Mola, Mohamed Ouladi, Pascal Pommier, Éric Vincelot, alias Cyril, Nadia Rabéi, Patrick Vlaminck, Félix Moussier, Daniel Souk, responsable du Crafi. Voix, Marie-Claire Marsan, Jackie Sapart, André Wilms et Armand Gatti. Avec la participation de M. Attali, responsable de la maison communautaire israélite de Toulouse. Jacques Greenberg, Jean-Philippe Greenberg, M. Tonelli. L'aide de l'AJECTA et du Musée de la Résistance de Toulouse. Musique, Daniel Souk, Joël Lafont. Toulouse, collaboration technique, Joseph Pantuzzi, Frédéric Ullmann. ACR, groupe de réalisation, Maurice Billard, Jean-Marie Charon, Annie Delers, Marie-Ange Garandeau, Jean-Claude Gauthier, Jean-François Néolier, Madeleine Sola, Jean-Pierre Juncker. Le principe écriture. Armand Gatti. Les arches de Noé. Deuxième temps, les lexiques. Pour moi, le théâtre ne pourra jamais être une affaire commerciale. Et dire qu'il commence avant toute chose par être un combat. Première pièce, théâtre, je ne connaissais pas avant. Et la première pièce, c'est en camp de concentration que je l'ai vue. abandonner entre nous trouver un refuge. La grille était fausse et les guichets horaires, buffet, salle d'attente factice, l'horloge. Premier retour en arrière. Rusevich. Le camp est aujourd'hui lieu historique. C'est dans une gare que les plus abandonnés d'entre nous trouvèrent refuge. La gare était fausse et les guichets, horaires, buffets, salle d'attente, factice. L'horloge marquait toujours la même heure. Elle continue aujourd'hui. Tentative théâtrale est tout entière axée sur la mémoire. Deux partis pris étaient au départ possibles. L'un traditionnel, formé sur la réalité apparente, aurait montré comment la mémoire de tel ou tel autre personnage, plaqué sur cette réalité, l'aurait épousée, auréolée ou annulée. C'était, m'a-t-il semblé, une méthode proche de celle qui consiste à planter de petits drapeaux en papier sur une carte pour expliquer l'histoire d'une guerre. Elle gagne en évidence ce qu'elle perd en réalité profonde. J'ai préféré partir de la mémoire. Derrière eux apparaissent alors les trois juifs qui se lamentent avec leur voix et leur corps. Leur lamentation tient à la fois de la prière et du chant triste. Madame Frulich. Les pays sont comme les hommes. Ils parlent avec les mêmes mots. Ce bruit signifie qu'un pays cherche à s'exprimer. Ils s'y mettent souvent à plusieurs et tous en même temps. Mais ils ont beau employer le même langage. Ils se comprennent difficilement. Le tac-tac des mitrailleuses de foire vient se superposer au bruit de carabines. Rodriguez. Ce bruit-là, c'est un pays qui pense. L'Espagne a médité ainsi pendant 39 mois. À ce stade, la pensée exige une terrible précision. Les bruits des armes de baraques foraines décroissent. Pour moi, le camp, ça a été la révélation. Et si je n'avais pas été en camp de concentration, je n'aurais jamais, je pense, mis les pieds au théâtre. L'homme souhaite, la passion du général Franco, la cigogne, la machine excavatrice pour entrer dans le plan de défrichement de la colonne d'invasion, etc. Pourquoi les avis égoïstiques ? Opéra à Rostitrodon, la seconde existante du camp de Tattenberg, le poisson noir. La vie imaginaire de l'horreur en dépression, les crapauds de l'eau, les chèvres, les chambres de l'eau, les passions de l'eau. Ce fut un rêve que le Danube emporta. Que pouvait faire le numéro 173-173 du Tattenberg contre le froid des images quotidiennes, leurs bouches cousues, leurs portes fermées? Le robot disparaît. Les bruits de la foire augmentent légèrement. Ce fut un rêve que le Danube emporta. Rusevich. Que pouvait faire le numéro 173-173 du Tattenberg contre le froid des images quotidiennes, leurs bouches cousues, leurs portes fermées? Ma façon de penser le monde est profondément né du maquis, de la résistance et du camp. Et je n'ai jamais, et par la suite, quelle que soit l'aventure dans laquelle j'ai été convoyé, quelque chose qui m'offrit humainement, artistiquement, moralement, esthétiquement, quelque chose d'aussi grand et d'aussi exigeant. Et tout le théâtre que j'ai fait, et je crois, donc là je répète, et que je ferai encore, partira toujours de ce point de vue. Et en quelque sorte, j'ai un peu tendance, non pas à me sentir marginal dans le théâtre, mais j'ai le sentiment très profond que ce sont les autres qui sont marginaux, pas moi. Auguste G, 46 ans. La lumière va bientôt revenir, ce qu'ils appellent la lumière. C'est pour moi l'heure où la beigne passe dans les rues pour recueillir les ordures. Ce sont toujours les balayeurs qui font naître le jour. Le quartier de la Vierge, c'est comme un bateau qui part pour l'Amérique. Le malheur, c'est qu'il ne bouge pas. Mais il y a tout ici, des Polonais, des Napolitains, des Arabes, des Bretons, des Savoyards. Eux, ce sont les intelligents, ils élèvent des lapins, des Calabrais, et même un baron qui a fait des études dans un séminaire. Nous n'avons qu'une rue, mais elle fait le tour du monde. On plaint des noms qui se dédoublent. Les personnages même sont inamovibles. Encore un nom à la recherche de ce que vous êtes, ou par les hommes, c'est toujours le même livre qui est écrit. Dieu a besoin des hommes, de leur pain, de leur sel et de leur vin. Il n'est rien sans eux. Il n'est rien sans les personnages d'un crime qui se dédouble sans fin, à la recherche de vos noms. Que le crime soit vécu par Dieu. Encore un nom à la recherche de ce que vous êtes, ou par les hommes, c'est toujours le même livre qui est écrit. Les oubliés, les déjà perdus en cours de route, les suicidés pas toujours volontaires, les mal-aimés, les non-voulus. Aujourd'hui, de la région Toulouse-Pyrénées s'adresse aux laissés-pour-compte, les mis entre parenthèses, les oubliés, les déjà perdus en cours de route, les suicidés pas toujours volontaires, les mal-aimés, les non-voulus d'hier, de la génération très particulière de leur père. C'est-à-dire que ce type d'expérience part surtout de le verbe. Votre dignité, c'est le verbe. Donc on va partir de la parole. C'est ça notre base. Alors il faut que vous soyez porteur de parole. Mais presque au sens indien, enfin. Renaud, du groupe des détenus. Liziane, groupe des détenus. Mohamed, du groupe des analphabètes. Et de Mostagan en Algérie. Françoise, groupe des rien du tout. Miguel, du groupe des détenus. Il y a un thème que je voudrais les voir traiter. C'est celui de ce train. Ce train qui est parti d'Auschwitz. Le jour où les Russes sont arrivés, vous savez que les SS ont abandonné le camp, ont mis sur pied et tout ce qui pouvait être mis sur pied encore, et contrairement à toute attente, ont laissé les mourants mourir, croyant que dans l'état où ils se trouvaient. Et les Russes sont arrivés avant, il y a encore eu quelques. Sur les milliers de personnes qui étaient restées là, beaucoup sont mortes, certes, mais il y a quand même eu au moins la moitié. Qui ont pu être sauvés, ou du moins qui étaient encore vivantes lorsque l'armée rouge est arrivée. Et alors, qui se trouvaient là, ils ont essayé de restreindre le camp, de tout ramener sur Auschwitz, de faire en sorte que... Et puis, la difficulté à soigner, et puis ils étaient en plein le front, ils étaient tout prêts à soigner en pleine guerre, ils ont mis tous ces gens sur un train pour essayer de les... Et alors, ce train va partir, et puis, en cours de route, d'autres trains vont les rejoindre. Et alors... Miguel, du groupe des détenus. Je suis Sabine, du groupe des rien du tout. Claude, du groupe des rien du tout. Je peux certifier que je m'appelle Béatrice Dominguez, de père espagnol. Patrick, mis à part les analphabètes, je pourrais faire partie de tous les groupes en même temps. Brusquement, ils vont s'adresser à des personnes qu'ils ne connaissent pas du tout, dont ils n'ont jamais entendu parler. D'ailleurs, c'est le début même du spectacle où on dit les laissés pour compte, les mises entre parenthèses, les oubliés, les déjà perdus en cours de route. Les suicidés pas toujours volontaires, les mal-aimés, les non-voulus. Aujourd'hui, la région Toulouse-Pyrénées s'adresse aux laissés pour compte, les mis entre parenthèses. Les oubliés, les perdus en cours de route, les suicidés pas toujours volontaires, les mal-aimés, les non-voulus d'hier, de la génération très particulière de leur père. Alors là, si le père intervient, C'est d'une façon tout à fait générale. Hein, c'est la génération qui les a enfantés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce que c'était être exclu à ce moment-là? Qu'est-ce que ça voulait dire? Cette terre éventrée, ce jour qui naissait chaque matin criblé de balles, ces présages qui éclataient sous la lumière indifférente d'un meurtre aussi souverain que les cercles de saison, des obsessions à la chute du jour. C'était l'Europe de mes 20 ans. L'Europe délirait sur les collines où veillaient les arbres et les hommes. Les arbres prenaient feu. Les hommes succombaient, ombres et pieds par la terre. Et Marcel Totilé, brûlé vif dans son pantalon kaki, et Clo-Clo éventré par une grenade, et Lilou, que la colère faisait loucher, et Paco l'Andalou. Ils avaient le regard bleu du soleil, les poils roux poussés dru sur la face, et la lumière rendue lourde par le maniement des armes. L'Europe délirait, moisson mendiante de pôles célestes à l'opposé de la ligne d'horizon. Chaque pierre taillée était un mur de prison. Les graffitis criaient désespoir et vengeance. Entre leur silence, les otages veillaient. Leur nuit avait des mouvements de procession qui emportaient le tir des mousquetons en dehors des preuves du toucher. La salve, Thierry, morts innombrables donnant de promiscuité, de délabrement, sans heurts, sans murmures, partageant la faim et l'amitié dans le regard l'un de l'autre. 360 jours, Thierry. Et je t'ai vu, oui, je t'ai vu, avec ton crâne rasé de frais, avec le foulard rouge délavé, et la veste marron usée aux coudes, et le pied enveloppé de chiffon. Il n'avait pas résisté à la torture. Je t'ai vu, oui, allongé dans la cour, sur la terre glacée. Je t'ai vu, Thierry, en vidant la tinette. L'Europe délirait. Du délire de tous ses fils survivants des autres guerres. 6 cercles de position, 12 fuseaux pour une cathédrale en uniforme. La peur. La mort avait disparu sous un ramassis de végétaux horribles, clopinant derrière les barbelés. Le possible devenait impossible. Et l'impossible, quotidien. Par milliers, Christs et gibets poussés comme des anémones d'un feu de bois à une constellation. Le zodiaque n'était plus qu'une rue barrée. Depuis, les mots, leurs mages et leurs doctrinaires sont devenus parallèles. L'épreuve a brisé leurs conventions et ils sont partis en longue cohorte vers ces amas globulaires où s'ils brillent encore, c'est que leur mort par millions n'a pas encore trouvé de fin. Ni qui de la Volga ou du Dniepr ou du fleuve souterrain qui à travers villes et ruines nous unit dans les bras coupés de l'ancêtre russe. Et les jumeaux tchèques, partis de bon matin, et mes compagnons de Givors, disparus je ne sais où. Les miens, les tiens, ils se confondaient l'un dans l'autre. Et le satellite habité ne fut plus qu'une carte déserte, tournant opiniâtrement dans la chasse gardée de l'univers. Puis un bonjour disparaît, on ne sait plus ce qu'il est devenu. Alors ça me paraît riche de tellement de symboles, de tellement de réalités, tellement de... Parce que qu'est-ce qu'il y avait dans ce train? C'était les Juifs, bien entendu, les rejetés. C'était les brigades internationales, alors Dieu sait, les rejetés, à tout le niveau, de quel que soit le bord, là. C'était bon, les Espagnols républicains, qui se trouvaient là, plus les Autrichiens, mais c'était les Juifs, qui, Dieu sait, enfin, bon, avaient subi le nazisme. Donc, rien que des rejetés qu'on ne sait pas, on ne sait pas où les caser, on ne sait pas où les mettre, on ne sait pas, une espèce d'exodus comme ça sur Terre qui fait l'Europe. Et avec toute l'histoire du train, hein, l'histoire du train qui est toute une époque, enfin, c'est-à-dire... Il a changé la géographie, il a changé le temps, il a changé, etc. Le train a mené une dimension. Et puis là, et tous ces convois de la mort qui sillonnent l'Europe. Toutes nos versions de ces convois réunies, nous pourrons se retrouver ici, que sous les projecteurs cousins des vieilles gardes d'Europe. Et qu'éclairent ces projecteurs ne feront pas lutter les combats de la mort. La seule garde où ce train partira ne peut être rien d'autre en fin de compte que nous. Mais nous, c'est difficile à dire sans trembler. Renaud, du groupe des détenus. Amoureux d'une fille qui prend la dope, me voici dans la blanche. Les deux, la fille et la dope, m'impressionnent, m'attirent. Et avec elles, les bons moments, les petits casses, les braquages pour pouvoir se les payer. Descente à Toulouse, un casse loupé du sursis. Départ en Thaïlande. Arrestation dans le Nord. 8 mois se passent avant de prendre une sentence de 30 ans. Je n'y crois pas. Mais ce qui se passe à l'intérieur de la tôle va régler le problème. Ma gare est le décor d'un mauvais film policier. Première séquence, l'arrestation. En place, extérieur nuit, une rue de Bangkok. Auteur, ça tourne. Arrestation première. Un dealer thaï, deux français. Action. On était en moto, on venait juste d'acheter la dope. Et on est dans la grande avenue centrale de Chiang Mai. 9h du soir, un flic, contrôle d'identité, tu vois. Alors moi, je lui ai dit, à toi, parce que je savais qu'ils avaient le flingue facile là-bas. Coupé ! Deuxième séquence, la prison. Moteur ! Parang nap ! Neng ! Sam ! Sam ! Ça tourne ! Prison première ! Action! Une cellule de prison thaï est le lieu le plus peuplé de la planète. S'y retrouvent ceux qui ont acheté, ceux qui rachètent, ceux qui vendent, ceux qui ont vendu, les uns aux autres et les autres aux troisièmes. Gardiens et détenus unis sous le regard complice du chat qui garde le grand portail d'entrée de la prison. Sam! Sam! La durée du tournage, pour moi, était prévue pour 30 ans. Elle a duré 5 ans, 2 mois et 14 jours. De ce film, version exotique ou version banalisée, nous avons tous ici, un jour ou l'autre, été les figurants. Coupé ! Je reviens donc de Bangkok. Ici, ceux que j'ai connus sont tombés, voire même morts. Devant et derrière eux, des horizons plutôt sordides. Ce soir, je serai une lettre de l'alphabet hébraïque partie à la recherche du livre. C'est autre chose que de la dope, c'est encore un extrême, mais je peux vous dire que les extrêmes ne se ressemblent pas toujours. Le départ, en disant, il faut que vous sachiez qui va essayer de vous donner une dignité. Alors, c'est vous. Donc, qui je suis ? Lisiane, groupe des détenus. Toxico, délinquante. Qui je suis ? J'en sais encore trop rien. Alors, ils écrivent qui je suis. Et puis, ils viennent le lire devant les autres. Dès 16 ans, une liberté volée au juge des enfants. Vivre vite, fugue, foyer, fugue. Majorité n'égale pas toujours l'égalité. Encore plus vite. Vol, violence, agression, provocation. Le tout accompagné de défonce. Les copains, c'est ma famille. J'existe pour eux. Et mes amours sont à l'image de ma vie, des coups de foudre que je vis au maximum. 25 ans. Tentative de désintoxication, de stabilité. Je prends mon décalage, les réalités en pleine figure. Faire face, ne pas recraquer, faire face à tout prix. Car dans tout... Ma gare à moi est une gare vide. Ce vide, c'est moi. Ce vide, c'est moi qui l'ai voulu. Pour la remplir, j'ai mis un décor en bande dessinée. Première page, la voiture volée. Voiture volée, bande son. Rue vide, ambiance soir. Deux, bruit de pas, plusieurs. Trois, pas qui dépasse. Quatre, pas qui reviennent. Cinq, vitre explosée. 6. Silence. 7. Trois portières qui s'ouvrent. 8. Trois portières qui claquent. 9. Démarrage rapide. Deuxième page, les cases de la pharmacie. Bande son. 1. Sonnerie de la porte d'entrée. 2. Voix. Dialogue. Bougez pas. 3. Boîte fouillée. 4. Dialogue. J'ai trouvé. Tableau B. 5. Sac rempli. 6. Dialogue. Surtout bougez pas. 7. Dialogue. Ça va mal finir. 8. Pas qui partent en courant. À suivre, à suivre, à suivre, à suivre, à suivre. Toxico, délinquante, qui es-tu? Qui es-tu, Lisiane? Car dans tout ce gâchis, il y a un petit bout d'amour qui m'attend. Mehdi a 4 ans et demi. Il m'a été retiré à cause de la défonce. Si je prends le train qui attend là ce soir, c'est vers lui qu'il ira. Et même, je serai une de ces femmes en éternel transit qui l'estampille des brigades internationales sur le cœur ont tout donné. Le but, c'est que leur vie soit revendiqué. Ils ont fait ci, ils ont fait là. L'assassin, comme le voleur, comme le hein, voilà, je suis ça, ça et ça et ça, et après. Et à partir de là, on va discuter. C'est un peu ça, le but de l'opération. C'est pour qui, étant donné ce qu'il est, qu'il se sente à égalité avec les autres. Mohamed, du groupe des analphabètes, et de Mostagan en Algérie. Lorsque ma mère m'a quitté pour toujours, j'avais 3 ans. Ma grand-mère m'a élevé dans le matin, jusqu'à 14 ans. J'étais berger. J'ai gardé les vaches et les chevaux. Après, mon père, il m'a fait venir en France. Mohamed vit. Ici, c'est la montagne où j'ai été berger. J'aimais mes bêtes. J'ai eu un agneau que j'ai sauvé. À la fin, mon père, il a pris une autre femme. Ça ne sert à rien de changer. En un mot, c'est dur la vie. Il dit encore. Tout ce qui s'est passé en dehors de ma musique n'a au fond pas beaucoup d'importance. J'espère que vous m'avez bien compris. Je voulais être un enfant des camps de concentration, mais comme il n'y avait pas de musique, alors je me suis retrouvé chez ceux qui ne savent rien, mais avec de la musique. Françoise, groupe des rien du tout. Adolescente, seul plaisir, les voyages, les copains avec au centre l'acide. Je ne rêve que d'évasion. Puis un événement inattendu, la naissance de mon fils Julien avec qui je vis. C'est une rencontre, une conquête difficile parce que c'était toute forme de fuite, celle des responsabilités comprises. Ma gare, c'est une marelle. Dans le ciel, il y a les voyages, la poudre et mon fils. Dans l'enfer, il y a les voyages, la poudre et mon fils. Au milieu, des cases vides, où jamais mon caillou ne s'arrêtait. La bande, la défense, la dérive. La bande, la défense, la dérive. La bande, la défense, la dérive. La bande, la défense, la dérive. La bande, la défense, la dérive. La bande, la défense, la dérive. La bande, la défense, la dérive. La bande, la défense, la dérive. La bande, la défense, la dérive. Rien que des courants d'air. Alors, j'ai tout effacé pour que ma marelle devienne une rose des vents. Nord, sud, est, ouest, nord, sud, est, ouest, nord, sud, est, ouest, nord, sud, est, ouest, nord, sud, est, ouest, nord, sud, est, ouest, nord, sud, est, ouest. Alors tout a craqué. 4 ans de poudre, 1 an pour recoller les morceaux. Je serai ce soir une Ukrainienne déchirée comme il se doit et faisant en double les trajets que les autres font en simple. Miguel, du groupe des détenus. La mère de Miguel était allemande, morte lorsqu'il avait 9 mois. Elle avait avalé des médicaments, pourquoi ce geste? Son père ne l'a connu qu'à 10 ans, parce que pendant tout ce temps-là, il était absent. Miguel l'a aimé, c'était un chip type. Mais 3 ans après, il est mort dans des souffrances atroces. Ça fait mal d'en parler, Parce que Miguel, c'est moi. De quoi ma mère est morte si vite? C'est pas con, Miguel. Que je ne l'ai jamais vu. C'est pas si grave, Miguel. Reste tranquille, Miguel. C'est pas con, Miguel. On m'a dit qu'elle s'était suicidée. C'est pas si grave. C'est vrai. Reste tranquille, Miguel. Tu réponds quand on te parle, oui? Reste tranquille, Miguel. Pourquoi on a mis mon père en deuil? C'est pas Miguel. C'est pas si grave, Miguel. Pourquoi mon père est mort? Toi, Miguel, t'es grand, Miguel. Quand juste il était devenu mon père et ma mère à la fois. Reste tranquille, Miguel. Oui. Va jouer, Miguel. Pourquoi vous m'avez pas laissé le voir? C'est pas le con, et que depuis, je lui en veux d'être parti. C'est quoi ce truc de colle, Miguel? Tu réponds quand on te parle, oui? Pourquoi vous tournez tous comme ça autour de moi? Ce soir, je serai une autorité, un gradé. Ça ne m'est jamais arrivé. Je peux faire face à beaucoup de choses. Vivre sans logis, manger dans des poubelles plusieurs jours. La seule chose dont j'ai peur, c'est de ma personne. Je suis Sabine, du groupe des Rien du Tout. Ce rien dont j'ai fait ma vie, je le refuse. Ce soir, je serai la reine des Tziganes parce qu'elle est tout mon contraire. Claude, du groupe des Rien du Tout. Claude commence par mon père, avec qui il ne discute plus depuis 3 ans, à cause de sa façon de voir la vie, la religion, l'éducation de ses frères et sœurs. Claude continue par une ville de 10 000 habitants, d'où il vient, et dont le maire est un facho, ça donne la note. Beaucoup de mes camarades sont des marginaux, et on partage ensemble des démêlés avec la justice. Je suis entré dans la drogue, c'était un plaisir, c'est devenu beaucoup de galères. J'ai touché à l'héroïne, j'en suis sorti, j'y suis revenu. Gâchis sur toute la ligne. 2 de mes amis ont déjà été incarcérés. Les flics m'ont interdit les bars, sinon je plonge. Et pourtant, j'aime bien vivre la nuit. C'est le moment où l'on voit le moins de gens abrutis par la société. Tout me chasse, me pousse en dehors. Alors je rêve de l'Afrique, le voyage. Il commence pour moi ce soir, dans la peau d'un républicain espagnol. Béatrice, avant même d'entrer dans cette fable où les Tziganes sont présents, j'appartenais déjà au groupe Tzigane. Comment peut-on être Tzigane des rives du Danube? Réalité, j'ai 7 ans, je suis dans un camp de gitans, tous réunis autour d'un feu de camp. On chante, on danse. J'ai vécu 5 ans dans un camp de gitans. Il y avait de tout, gitans, manouches, tziganes, etc. C'était plutôt un genre de bidonville. Comme il n'y avait pas d'eau dans le camp, il fallait aller en chercher à la fontaine. Il fallait aussi se diriger dans les décharges afin de pouvoir se nourrir. Je penserai à tout cela dans ce wagon de train qui va m'amener je ne sais où. Mais lorsque le train fera un stop, je saurai pourquoi. Je saurai que c'est pour aller dans un autre camp. J'en ai marre de changer de pays seulement par ordre accompagné d'armes. Patrick, mis à part les analphabètes, je pourrais faire partie de tous les groupes en même temps. Enfant de la mine, plus violence, cynisme et aussi tendresse, je suis un défoncé. Héroïne, coq, enfée, Barbie, alcool, speed, ça dure depuis 10 ans. La haine, c'est pour la société. Je ne suis qu'un reflet dans son miroir et c'est pour ça qu'elle me rejette. Ma gare est une sirène. Côté départ, la sirène de la mine du Nord, où mon père a débarqué venant du sac à labre natal, avec dans sa valise la chemise noire de Mussolini, bien propre et bien pliée. En face, l'ascenseur, qui monte et qui descend, avec son chargement d'images d'archives. Debout. Debout. Couché. Il y a aussi la sirène des mauvais jours, celle qui éclate hors horaire, avec sa photo souvenir, toujours la même. 15h, deuil chez les gueules noires. Les femmes rassemblées devant la grande grille attendent anxieuses la remontée des victimes. Ça fait un siècle que ça dure. Intoxication. Désintoxication. Intoxication. Désintoxication. Intoxication. Désintoxication. Ça fait un siècle que ça dure. Mon combat se déroule dans toujours la même toile d'araignée. Je me suis quand même marié avec la femme que j'aimais, 2 enfants que j'ai laissé tomber des dizaines de fois. J'ai voulu un foyer et je me suis planté lamentablement. Mon enfance s'est passée à voir mon père trimer 900 mètres sous terre et ma mère torcher ses 12 mômes. Alors qui je suis? Un mec qui en a ras-le-cul de se faire chier d'être un numéro à l'NPE ou un code informatique. J'ai parfois aussi l'envie de faire l'amour au monde. J'ai été PCF, trotskiste, maoïste, mais comment s'envoler avec des ailes brisées? Le monde est amnésique et moi je suis un cas social. Qu'est-ce qu'on a à se dire? Je mise le banco sur le garibaldien perdu des brigades internationales que je serai ce soir. Ce n'est pas simple pour un paumé d'être un autre paumé, un déjà perdu en cours de route. Et encore moins d'être dans la peau de ceux que la génération de nos pères a condamnés à l'exil, quand ils n'étaient pas les exilés eux-mêmes. Exilé de quoi? De tout. Ce train que nous allons reconstituer ce soir est parti du camp d'extermination d'Auschwitz, quelques jours après sa libération par l'armée rouge. À son bord, les oubliés de la génération de nos pères, déchus de leur corps par expérience médicale, déchus de leur âme même. Ici les Juifs. Et ici les Tigas. Les Républicains espagnols. Les Internationaux. Les enfants sans nom, sans pays, sans parents qui ont poussé dans les banlieues des crématoires. Ceux qui ne savent pas pourquoi ils sont là. La Garibaldina Capricciosina, tu sei la stella, tu sei la stella. La Garibaldina Capricciosina, tu sei la stella, dei noi soldati. Ehemann Kolonne. Spaniens Himmel breitet seine Sterne über unsere Hüttengräben auf. Il y avait les Juifs, il y avait les Tziganes, il y avait les Républicains espagnols, il y avait les Allemands de la Volga. Et donc tous ces personnages, tous ces groupes humains, tels qu'ils s'étaient retrouvés au lendemain de la guerre, c'est-à-dire avec aucun endroit où aller. Ah voilà, oui, alors donc, en fait, il y en a 8. Mais c'est normal. On a vu 5. T'as ton truc. Non, là, ça, ouais, mais... avec les questions, tout ça. C'est quoi ça? Ouais. Il y en a, c'est les 8 trajets. Tu le lis là, les arrêts qu'on a trouvés là et les départs. Ouais. Tu le dis à Armand pour voir si c'est, ça coordonne avec ça. Il y a Katowice qu'on a trouvé. Vous contrôlez avec ce que vous avez. Hein. Moi je vais vous donner. Alors le premier, c'est le départ de Auschwitz-Katowice. Ouais. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ouais. Bon, avec un arrêt qui va tourner autour du spectacle avorté. Mm. Hein. Ensuite, départ pour Odessa. Non, Minsk. Non, il y a un départ pour Odessa. Ah bon? Oui, oui. Il y a un départ pour Odessa avec il y a plusieurs arrêts, voies de garage en cours de route. Et l'arrêt, c'est à Smerinka où on trouve les femmes ukrainiennes. Ah ouais, ok. Le train de la mort. Le train de la mort. Donc, c'est un deuxième départ. Alors, ensuite. Vous avez un troisième départ en sens inverse, vers Minsk. Alors que là, c'est un trajet très, très long et qui finit sur Minsk, la banque et le Barbara Show. Hein? Vous l'avez ce troisième là pour Minsk, oui. Alors ensuite, quatrième, départ vers le sud. Alors qui va jusqu'au patriarche, la frontière roumaine, etc., etc. Bien. Ensuite, cinquième, traversée de la Roumanie et de la Yougoslavie. Hein? Et ça va jusqu'à, disons, le train monument, la folie et la mort de Félix. Et la tentative de séduction de Sabine. Hein? Oui. Alors ensuite, sixième, le départ vers les Béchides. Et qui se termine à Ostrava avec le repas. Hein? Donc Béchid, je dis Béchid parce que c'est les montagnes. La Roumanie n'en veut pas, elle s'en débarrasse la Bulgarie. La Bulgarie n'en veut pas, elle s'en débarrasse la Yougoslavie. La Yougoslavie n'en veut pas, elle s'en débarrasse l'Hongrie. Qui n'en veut pas, elle s'en débarrasse sur la Tchécoslovaquie. Le septième, c'est le départ vers le camp, vers le nom. Dachau, parce qu'ils ne vont pas dans le camp, ils vont dans la localité appelée Dachau. Donc c'est dans le nom de Dachau qu'ils vont. Alors donc, il y a le départ vers Dachau et avec, disons, un arrêt à Regensburg. Et le tout se termine sur le procès du livre que vont faire Renaud et Cyril. C'est le 7. Voilà. Ensuite, le 8, le départ pour Vienne, et qui est le numéro des brigades internationales, avec arrêt à Mauthausen, et puis ça s'arrête là. Donc, vous avez... Alors, en gros, vous avez de la plaine, 1. Ensuite, de la plaine, 2. Ensuite, de la plaine, 3. Ensuite, du vallonné, 4. C'est quoi le vallonné? C'est des petites montagnes, ça monte, ça descend, ça... Des ça, collines. Des petites collines, etc. Bon, ensuite, une grimpée de montagnes, le 5, c'est-à-dire la Yougoslavie-Roumanie. Ensuite, la descente, le 6, vers les Béchides, on va descendre de nouveau dans la plaine. Et puis là, on repart sur les montagnes, les Alpes, de l'autre côté, donc le 7 et le 8, encore montagne. L'armée polonaise, avec les mêmes chevaux dont elle se sert, pour attaquer les tanks, l'empêche d'entrer en Pologne. Les rails perdent le Danube qu'ils avaient suivi jusque-là, mais vont le rattraper à Regensburg. Ce faisant, ils traversent la ligne de démarcation Est-Ouest. Là se termine notre mission et notre rapport. Un rapport sur la difficulté à être locomotive aujourd'hui, mais la locomotive continue. C'est tous des exclus. Et c'est l'image constante, enfin presque. On nous expliquait au début qu'on était des paumés, qu'il allait parler à des paumés, à des anciens paumés, enfin à tous ces tziganes, ces républicains espagnols, ces juifs qui se retrouvent dans ce train. Et moi déjà ça me plaît. Paumés qui parlent à des paumés, ça me plaît. Et puis que c'était un salut des paumés de notre siècle aux paumés du siècle dernier. Moi, j'ai déjà mis deux jours à comprendre ce que ça voulait dire, à réaliser déjà que c'était la fin de la guerre. C'est ça que j'avais pas compris, en fait, cette histoire de camp, de... Mais c'est... Le train a vraiment disparu parce que les déportés l'ont fait sauter. Je pense, hein. Mais c'est une possibilité, en tous les cas. Et puis, le passionnant, c'est les enquêtes à travers la mémoire de l'Europe que ça demande. Enfin, c'est une espèce de gens qui... Puis les souvenirs, des choses un peu... La liberté par le travail, découpée en lettres de fer au-dessus de la porte d'entrée, c'est la devise d'Auschwitz. Le camp est libéré par l'armée rouge le 27 janvier 1945, il est 15h. Les SS ont fui devant l'avancée des troupes de Moscou. Seuls demeurent sur place 5800 survivants. Ceux qui sont passés par toutes les horreurs restent méfiants, inquiets. Ces femmes et ces hommes devaient travailler 12 heures par jour. Plusieurs trusts allemands avaient déplacé leurs usines ici. La plus importante, IG Farben, fabriquait des produits chimiques et notamment le terrible Cyclon B. Chaque jour, les prisonniers, en grande majorité juifs, devaient parcourir les 4 km qui les séparaient de leur lieu de travail. Chacun percevait un salaire, de principe, confisqué par les SS afin de couvrir les frais d'hébergement et de nourriture, le salaire de la mort. Garibaldino de Pieia delante. Vous venez de quelle région d'Italie? De Friuli. Friuli, c'est-à-dire entre Venise et Trieste. c'est la région où c'est que la résistance a pu donner dans toute l'Italie. Et c'est à partir de là que vous avez décidé de quitter... Non, moi je suis parti très jeune, j'ai fait mon 14e anniversaire à servir les maçons à Paris. Alors je suis parti très jeune. J'étais déjà opprimé, c'est-à-dire subi la répression du régime à cause que je n'étais pas inscrit Balila à l'époque. Juif communiste, je suis né juif. Communiste, je suis devenu. Et je suis né juif en Pologne. Et l'exclusion, je crois, elle est venue très vite. Et pour ce qui est pour moi, je m'en suis aperçu assez tôt, enfin très tôt d'ailleurs. Ma mère était une femme. Je suis juif. Je ne l'ai pas choisi. Je le gagne. Je suis juif parce que juif. Ma façon de parler, ma façon de penser sont ponctuées par cette préhistoire, celle du silence des camps de mon père. Je suis la version orale du texte né de ce silence. Ma mère était une femme laïque, donc j'étais élevé d'une façon extrêmement libre. Pas dirigé vers la religion. Et j'ai côtoyé la religion parce que dans la ville de Brest-Litovsk, que nous avons vécu avec ma mère plusieurs années, la majorité des habitants étaient juifs. Et moi, je me suis aperçu que j'étais un exclu. Et c'est le jour où ma mère m'a amené à l'école à Brest-Litovsk. J'aimerais qu'on prenne notre temps. Ah bon, que donc on s'appesantisse un peu sur les événements. Oui. Bon, donc l'école... Je n'ai jamais assisté à un véritable pogrom, mais j'ai assisté souvent les dimanches quand il y avait par exemple, il y avait des réunions de famille dans les familles catholiques, polonaises catholiques, et bien quand ils étaient un peu gays, quand ils avaient un petit peu bu, eh ben, c'était presque quelque chose de traditionnel. Et quand on attrapait un juif, on brisait les vitrines des petites boutiques juives. Et donc, Planica, Chestiakov, Dupro, Katkovich, Kassel, Auclair, Kautchich. 1933-1940. 7 ans. Il ne s'est rien passé. Les souvenirs sont des sentinelles postées de l'autre côté des barbelés. Quand les mains tiennent à distance, ils sont plus féroces que la matraque des capots. Ici, le ciel s'est solidifié sur chaque tête, sur chaque appel. Ici, la lune est un projecteur, les étoiles sont des projecteurs, Dieu est un projecteur. Il fige sur chaque bloc les spectacles que les yeux des condamnés y ont projetés. Multitude. Multitude, les deux instituteurs attachés à une niche par un collier de fer et aboyant, 3 jours durant, la disparition de l'homme sur terre. Tournavaca, Guillaume May, Zamora, Stein, David Stein, aber das ist doch ein Jude. Was hat er dir jetzt zu? Noch einmal. Plus je m'éloigne d'eux, plus je m'en rapproche. Combien de fois, père, sommes-nous allés ensemble à la chambre à gaz, et je me suis réveillé seul, à des années de distance, avec la honte de respirer encore. Est-ce parce que les étoiles croissent à mesure que leur éclat diminue? 100 nuits, nous avons fait ensemble le trajet de la dernière. Mais lorsque tout était joué, tu te barricadais, derrière les signes qui sur les pierres voulaient expliquer la mort violente, son relief, sa vanité, et je m'affalais impuissant. devant les instruments de torture qui n'avaient jamais fonctionné. La pierre commémorative, je n'ai jamais pu la confier au feu. Un simple éclatement eut renversé tous les signes. Mais combien de branches arrachées vertes au tronc aurait-il fallu pour éteindre un incendie dont nul n'aurait voulu admettre l'existence ? Puis c'est cette histoire du siècle, on n'en a pas d'autre. C'est celle-là, c'est la nôtre. Si on ne dialogue pas avec elle, avec qui va-t-on dialoguer ? Si le théâtre, ce n'est pas ce dialogue avec le siècle, ça n'a aucun sens. Enfin. Ils rentrent tellement dans le personnage, quoi, ouais. Ça faisait tellement mal. Il y a des moments, quand il raconte l'histoire dans le wagon, quand il était lui dans un train de la mort, quoi, et qu'il raconte qu'il y a un copain qui meurt à côté, tu vois, et qui est obligé de se mettre dessus, tu vois, pour avoir chaud. Quoi. Et puis les excréments, l'urine, tout ça, quoi, moi j'étais dans le wagon. Enfin, il nous a raconté l'histoire de fond en comble, cette histoire de la Deuxième Guerre sur les Juifs. Alors il nous a parlé des Juifs, il nous a parlé des Tziganes, il nous a parlé des républicains espagnols, des brigades internationales, il nous a parlé des Allemands de la Volga, de tout un tas de personnages. Et tous ces peuples, ces différentes... Voilà. Alors, ensuite, chacun d'entre nous avait un travail bien défini à faire, c'est-à-dire que chaque... Alors là, ça part d'une idée d'ensemble. Moi, je vous fais toute une série de propositions. Et vous, d'après votre réflexion, d'après ce que vous pensez, etc., et du personnage que vous avez en ce moment... qu'est-ce que vous en pensez? Comment, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on ne pourrait pas faire, etc. D'abord, on a fait le test. C'est la première fois que je l'ai vu. Je connaissais pas. Le deuxième test, c'était les juifs. Ce qu'on pensait, Bon, il nous a tout raconté. Autant des juifs qu'ils étaient massacrés et tout ça. Des espagnols. Il fallait marquer ce qu'on pensait sur les juifs autant d'avant, autant historique. Hein. Ouais. Bon, on l'a fait. Après, pas forcément historique, ce qu'on pensait, nous, des juifs, qu'est-ce que c'était pour nous, un juif? Oui, mais autant de la préhistoire, quand même, parce qu'il fallait parler un peu d'eux. La préhistoire, non, je crois qu'on était tous pareils, des gorilles. Bah oui, mais t'as pas compris. Ouais, bon, non, j'ai pas compris. Bon, on a parlé sur les Espagnols, sur les Juifs, sur les Allemands, sur les Gitans, et voilà, on a essayé de se débrouiller, quoi. Quand même, les Gitans, ils s'en sortent très bien. Malgré qu'ils font des magouilles, mais ils s'en sortent très très bien. J'en connais pas mal. Ça, c'est toi qui le dis. Si, j'en connais pas mal de gens, des Gitans, hein, toujours changer d'habit, du fric. Maintenant, mais moi, quand j'ai vécu dans le camp il y a 12 ans de ça, j'avais vécu dans le camp. Hein. Oui. Eh bien, c'était pauvre, hein. C'est pauvre, mais maintenant, ils sont très bien. Maintenant, avant où j'ai vécu, la plupart, ils ont des belles. Alors, donc, ces groupes qu'ils ne connaissent pas, au fur et à mesure qu'ils vont rentrer en contact, ils vont s'apercevoir que ces groupes forment leur actualité. Alors, moi, il nous en a parlé au début, hein. Parce que moi, la guerre d'Espagne, déjà, on ne connaissait rien, quoi. Alors, moi, que dalle. De toute manière, déjà au départ, je veux dire, pour tous les groupes qui ont été créés, Gatti nous en parlait, par exemple, le matin, tu vois, une matinée. Et ensuite, pour le lendemain, il fallait qu'on lui rende un travail écrit, tu vois, avec... Terrain vague. Grande haie. Arbre bouclier. Chemin de terre. Passage obscur, abritant des conserves vides, des tôles. Débris de voitures, vieilles habitations, ruines. De temps en temps, une grosse voiture qui sort, on ne sait d'où. À l'intérieur, visage marqué, fier, moqueur, fatigué, bagarreur, voleur. Vie faite comment? Pourquoi vouloir savoir? Curiosité. Terrain vague. Quelques mots, images, comme ils me passent dans la tête. Zigane, juif, brigade. Drôle de famille. Espagnols. Une catégorie de gens qui refusent ce qu'on leur impose. Ce que Franco voulait leur imposer. Ça, c'est Béatrice qui l'a écrit. La guerre est finie. Le sang a coulé. Je crois qu'ils ont eu raison. Tu crois? Béatrice. Bon, attends. Ok? Non. Attends. On a interverti les pages. Ça y est, c'est la 17. Alors, je commence par les plus faciles. Alors, évidemment, je pars toujours de l'idée du pyjama de déporté. Enfin... C'est la base. C'est-à-dire une veste et un pantalon. Bon, je dis de déporter, enfin non, c'est Parce que le bleu de travail, c'est exactement la même chose, sauf qu'il est bleu au lieu d'être rayé, enfin. Donc, on peut passer du bleu de travail, et disons que, par exemple, du côté espagnol et du côté brigade, le bleu, c'était pratiquement l'uniforme. Le bleu de travail. C'était ça, l'uniforme. Bon, il y a eu après, lorsque, peu à peu, les choses ont évolué, et que le côté révolutionnaire s'est perdu. Alors on en est venu, alors on a fait des militaires, alors ils avaient tous des belles casquettes, des machins, des uniformes, etc. Alors tout ce qui était officier se reconnaissait à l'œil nu. Donc ça a un peu changé, mais disons que la base a toujours été, c'est-à-dire la salopette bleue de travail, c'était ça l'uniforme ou le bleu, carrément. Donc c'est malgré tout du point, c'est pas réaliste du point de vue de notre pièce, mais c'est indicatif de l'Espagne par certains côtés. Chemin. Voie qui permet d'aller d'un point à un autre. Piste, centre, sentier. Le chemin se sépare en deux. Bifurcation, embranchement, carrefour, étoile, chemin de traverse, construire, percer, ouvrir un chemin, parcours, route, trajet, perdre son chemin, égarer, s'égarer, se perdre. Se mettre en chemin, cheminer, trajectoire. Nach Moskau und anschließend nach Jugoslawien zurückgebracht. Die Evakuierung des Lagers Birkenau in das Stammlager Auschwitz I, in dem Steinhäuser als Krankenblöcke eingerichtet wurden. Les plus faibles resteront dans le camp transformé en centre de soins par l'URSS. Le personnel médical soviétique assisté par les volontaires polonais de la Croix-Rouge prennent en charge les survivants. L'évacuation aura lieu le 7 février 1945. Dans les jours qui suivent la libération, près de 250 personnes succomberont de faiblesse ou de maladie. Les autres sont équipés de vêtements chauds ou de couvertures prélevés sur les stocks énormes provenant des victimes et entassés par les SS. Je connaissais les Juifs, oui, mais je le savais quand même qu'eux, ils ont été torturés, tout ça, au temps d'avant. Mais les Allemands de la Volga, tout ça, moi, je ne connaissais pas. Russes, Français, Américains, Italiens, Arabes, Roumains, Hongrois, Allemands, Russes, Français, Américains, ceux qui possédaient, Italiens, ceux qui ne possédaient pas, ceux qui se sont fait déposséder, et ceux Allemands, qui sont partis, Russes, qui partent, Français, ceux du voyage, comme on Italiens, dit. Arabes, Roumains. Les brigades sont constituées d'hommes et de femmes de tout pays, d'où le terme international, venus volontairement soutenir les républicains et combattre le fascisme. Allemands, Russes, Français, Américains. Itinéraire, chemin à suivre ou suivi. Itinérant qui va de lieu en lieu, voire errer, errant, errance. Itinéraire, chemin à suivre ou suivi. Itinéraire, qui va de lieu en lieu, voire errer, errant, errance.